Les bourgeois, c'est comme les cochons, hein. Oui. Ah bah oui. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête, hein. Oui, bah il n'y a pas que les bourgeois. Oui. Hein. Ouais, ouais, ouais, je pense pas devenir con parce que je mourrais pas con. Hein. Non, pas du tout. De toute façon, c'est bien parti. Avec quel âge tu préfères écouter un disque de Jacques Brel? Bah, j'étais tout jeune. Ah, tout jeune. Bon, Chou, on va passer ton message. Ouais. Tu es formidable. Et tu sais que l'émission s'arrête la semaine prochaine et c'est la dernière, il faut absolument écouter. C'est bien regrettable, bien sûr. Oui, c'est... Voilà. Mais il y en a d'autres qui nous remplaceront. On va vous retrouver, hein, tout de suite. Oui, sûr. Enfin, tout de suite, de toute façon, on un petit journal. Hein. On se verra à la télé. Voilà. Un petit journal, quand même. Oui. C'est pas fait pour les chiens. Hein. Bien sûr, c'est formidable. On t'embrasse. Et tous ceux qui écoutent qui n'aiment pas. Oui. Eh ben, qui n'en dégoûte pas les autres, qui nous fasse pas chier. Tu as bien raison. Oui, c'est vrai. Ça, tu as bien raison. Beaucoup. Ça, beaucoup. Et tu fais un joli métier. Oui. Bah, je suis à l'EDF. Alors, je suis toujours au courant. C'est normal. Hein. Eh ben voilà. Ah bah voilà. Et les hommes se rapprochent des hommes. Hein. Oui. Bah, je voudrais bien prendre un cours juste, faire un petit court-circuit avec un type d'une cinquantaine d'années là. Un ami, un compagnon. Un compagnon, oui. Ouais, ce ouais. serait pas mal. Voilà. Bon, on va te laisser parce qu'on a beaucoup d'appels. On t'embrasse et on t'aime, chérie. Et puis j'espère vous retrouver bientôt. Voilà. Au revoir, mon chat. Au revoir. Dis donc, on n'a plus d'accident là. Ça existe non, mais ils ont pas, comme on fait pas l'émission dans le même studio, ils ont pas le matériel. C'est une horreur. Mais bon, pour terminer deux émissions. Non, moi j'ai bien aimé Stéphane. C'était quelqu'un. C'était sympathique. C'était un moment c'était de vrai, radio chérie. Authentique et qui était quand même troublant et qui m'a quand même. C'est vrai. C'est... Bouleversé, chérie, je tombais raide. C'était le président des gays retraités. Voilà. Et le seul membre. Président le seul membre de l'association. Le seul membre actif, naturellement. Bien sûr. Oui, les autres sont passifs. Bien sûr, Zaza. Oui, c'est cela. Le petit a un cancer de l'anus. Voilà, nous avons un auditeur en ligne. J'ai appelé Schwarzenberg, chérie, en pleine nuit. Il lui a mis trois antibiotiques dans le derrière. C'est sublime, chérie, arrivé de Bogota, cartel de Medellin, chérie. Son cancer du trou du cul lui donne des problèmes, parce que le médecin lui a dit, vous savez, le cancer commence à vous manger le trou, et il faut lui donner à manger. Je considère qu'une femme à l'étranger représente la France. Je ne pourrais pas être médiocre. Ah ben moi, je ne pourrais pas, en tout cas. En aucun cas. En aucun cas, je ne pourrais pas. Un auditeur en ligne, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Salut. Allô. Allô. Salut, bonjour. Au revoir. Oh là là, elle me font signe encore qu'il n'y a pas de radio, celui-là. Faux numéro. Ah, voilà, ok. Il y a des gens vivants, en plus. Le numéro n'est pas bon. Ben, ils en rappellent un autre, oui, de toute façon. Alors, je vous rappelle que, bien entendu, après la prochaine émission, vous pourrez rester en contact. Attends, ben, j'explique tout de suite pour le Minitel. Vous pouvez toujours rester en contact avec nous en nous laissant des messages sur le Minitel, en nous expliquant ce que vous aimeriez retrouver comme émission, des émissions qui parlent peut-être d'autre chose que de sexe. Vous pouvez faire des émissions sur quoi sur la science, sur la littérature, un petit hasard. L'île Maurice, je prépare une conférence sur l'île Maurice. Très bien. Mais pour l'instant, c'est le cul. Hein. Je pense que nous sommes plus spécialisés là-dedans. Récital de chansons poétiques. Hein. Voilà, très bien. Nous aurons beaucoup d'auditeurs. Voilà. Non. Si vous désirez rester en contact, même après l'émission avec nous, en nous laissant des messages, en faisant vos tests, en vous testant tout au long de l'année, et vous aurez de nouveaux tests à partir de demain ou après-demain. Alors, ces prochains tests, pour Lune de Fiel, c'est « Sais-tu draguer une meuf ?» Deuxième test, « Sais-tu virer une meuf ?» Ah, très bien. Parce que c'est pas le tout d'aller avec une meuf, mais il faut savoir aussi la virer proprement, gentiment. On n'est pas... Voilà. Es-tu exhibe ou voyeur ? Es-tu soumis ou dominateur ? Et pour les filles, es-tu midinette ou une salope ? Et le jeu d'aventure. Et bien entendu, il y a, après ce test, votre profil nuancé par rapport à vos réponses. Pas le profil de la Yann, dis donc. Ouais, nuancé par rapport à vos réponses. Et vous pouvez faire tous ces tests sur l'une de Fiel, disons sur le réseau TBM. Réseau TBM, vous faites le 3615 et vous tapez le code TBM. Et vous faites le choix l'une de Fiel, c'est le choix numéro 10. Vous faites le choix l'une de Fiel avant avoir, après avoir tapé 3615 TBM, ça y est, je suis def. Fais tourner. Bien entendu, vous pouvez nous laisser aussi des questions auxquelles nous vous répondrons, des messages personnels, concours des insultes et tout, vendeuse repoux, supériorité sur le crocodile, marchand d'armes, fausse carte d'identité, faux permis, voilà, 3615 TBM, et vous faites le choix Lune de Fiel. Voilà, un auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour. Alors, quel est ton prénom, Chou ? Ouais, bon, je m'appelle Raymond. Oui. Tu as quel âge ? 37 ans. 37 ans. Voilà. Alors, tu nous appelais pourquoi, Raymond ? J'ai un petit problème. Oui. Parce que, bon, je suis légèrement enveloppé, si tu veux. Oui. Mmh. C'est-à-dire 140 kilos, 150 ? Non. 90 ? Non, ça, t'es dur. 70 ? 90 ? Combien tu mesures ? Commençons par le début. Bon, je fais environ 1m50. Mmh. Ah oui, un petit tonneau. Je peux pas. Pour un 103. Combien tu pèses ? 2 fois par jour. Hein ? 123. Un petit fût. 123. C'est un fût. C'est un cube. Oui, mais là, vous êtes dur parce que bon. Tu sais que le pétrole, ça se paye en barils. Oui. Et tu fais à peu près la hauteur d'un baril et la largeur d'un baril. Et pour 30 à la maison, on te roule. T'es dur, David. Mais non, tu en ris. Oui, mais vous n'aurez rien à pleurer. Bah, bien sûr, de toute façon, c'est pas nous qui allons te faire maigrir. Hein. Bien sûr. La grosse cape était comme ça ? Oui. Elle a jamais pu faire le poulet de Bresse ? Non. Tu peux pas faire le poulet de Bresse ? Oh là là, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Non. Bon, on sait pas, c'est une alerte peut-être. Ah ouais, si je suis mauvais et tout. Hein. Non. Chou. Alors, donc ton problème c'est que tu es gros. Ouais. Et est-ce que les filles grosses t'excitent ? Et puis de toute façon, les filles grosses, tu les exciteras pas tout de suite. Non, elles me répugnent. Elles te répugnent. Ouais. Et est-ce que tu te regardes dans une glace des fois ? Ouais. Bah, il faut une glace large. J'ai peur. Mais c'est une chasse d'eau ? C'est pour les merdes. Non mais bon, David, je téléphone, tu te donnes des conseils. Bah, des conseils pour maigrir ou pour rencontrer des meufs, hein? Parce que pour rencontrer des meufs, il vaut mieux que tu passes des petites annonces, parce que de toute façon, même si tu vas à la pêche des fois avec un hameçon pourri avec des mouches péraves, le poisson ne mordra jamais. Ouais. Donc, soit... Ça dépend quand même, bon... Bah, non mais mieux vaut passer des annonces dans les journaux spécialisés. Non. La Catherine est tellement famine sexuelle qu'elle est prête à se faire cette jolie poupée d'un mètre 60 et 23 kilos. Je ne voulais pas dire ça, mais je voulais dire que bon, il était très sympa, plein de choses. Mais chérie, c'est pas la peine de lui remonter le moral, il est en pleine forme. Écoute, David. Oui. Tu crois vraiment que les auditeurs sont assez cons pour croire que tu t'es jamais fait enculer ? Ah, c'est vrai. Ah, alors là, moi je... Écoute. Je témoigne, je connais depuis qu'il est tout petit. Hein, on était à la maternelle ensemble. Et ben jamais. Oui, ben moi jamais je suis en fin de contrat, je peux pas. Je mettrai pas ma main. La main au feu. Ah hein. Non, moi. Ça. Une main, voire même les deux. Mais j'ai essayé de placer les quatre plis, style la Danielle Gilbert et tout, mais en vrai je me suis déjà fait enculer. Non, je te promets. C'est l'aveu. Ah ouais. Non. Un jour, j'ai donné 200 francs à un taxi. Il est parti dès que j'ai fermé la porte. Il m'a pas rendu ma monnaie. Ah, je t'avais pas surveillé, là. C'est très grave, vous avez... Oh, on est des sourds, ça n'est pas ça, dis donc. Et je me suis fait enculer. Zaza, n'en reviens pas. Deuxième fois, chérie, c'est... C'est-à-dire que tu comprends quand tu as des désillusions dans l'existence. Ça fait 14 ans que je suis avec, tu comprends. Alors c'est quand même dur pour moi, non? Oui, tu voulais te le faire et en fait... Bah oui, tu comprends quand même. Tu voulais te dépuceler. Non, Zaza. J'ai pas eu de chance dans ma vie. J'étais avec William... J'ai commencé Hervé Villard, après William Scheller, après Jacques Chazot. Bon, ben alors moi je suis une femme quand même. Oui, Zaza. Quand même. Le deuxième matin. Patrick Juvet, il m'avait dit qu'il m'aimait. Ben oui, ben non. Zaza, je peux dire. Ah non, dire... c'est dur. Heureusement que avec Catherine, on a été en Turquie, on s'est quand même assis sur quelques minarets. Hein. Bon. Ben oui, hein. Ils m'ont juste travaillé au petit bord. Ouais, c'est bien lourd le bruit là. Bah oui, bon, non, c'est pas du tout. Christian. C'est comment ton prénom, Christian, non ? Non, c'est. Non, c'est Raymond, non ? Raymond. Je sais même plus parce que j'ai tellement de prénoms devant moi. Raymond, 1m50. Eh, t'es gentil, David, mais tu me prends pour un con. Et toi, non, tu... Non, mais tu aurais... Tu t'es fait enculer, grosse bantule. Non, mais ce qui est. Oui, alors ça, vraiment. Mais dis-moi, à toi, tu t'es fait enculer, Raymond. Je le sens à ta voix. Est-ce que tu manges beaucoup? Il y a erreur. Non, pas du tout, non. C'est, non. Tu manges pas plus que quelqu'un qui fait 60 kilos? Non, il fabrique des kilos, lui. Ça. Non, non, mais non. Il paye la bague? Non, je fais pas du tout 123 kilos, non. Mais non. On le sait très bien, j'avais compris. Bah, bien sûr. On est quand même pas... C'est un show, cette émission. Oh, bah, chérie, c'est pour amuser le public. Bien sûr. Mais il faut jamais dévoiler ces trucs, tu comprends? Bah, bien sûr. Gérard Majax, il m'a pas dit comment on faisait. Uri Geller, il m'a pas dit comment on tordait les cuillères. Hein. Bah, il l'a pas dit, non. Alors, c'est comment, en vrai, normalement? Normalement, bah, je sais pas. Un peu une émission un mètre combien, là? 85. Ah, pas mal. La Catherine, là, elle est à seul coup. Non. Elle est déjà prête à te faire pour 1m50, alors là, pour 1m80. Ouais. Et le poids, finalement, 72. 72. Ah, c'est, ah, bien, bah, c'est ouais. Bien. C'est, bon, un, déjà, c'est un beau cum. Et la tête? Voilà. Je sais pas, tu demandes autour de toi. Autour de moi. Moi, je suis médium, je peux quand même réussir à. Regarde dans ta boule de cristal. À trouver. Mais tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup d'appels, il faut passer à des choses qui. Chapin, les yeux verts. Je peux passer un petit message. Oui, vas-y. Oui, alors je dis bonjour à Fabrice, Le Pelletier, Alex, Taïeb, Lu, Ingrid, Pascal, Cathy, Boumediene, Chai. Attends. Et Mourad, Dimomo, Sandrine, Kemkolapine, Isabelle, Florence, Sylvien. Et Isabelle, tu mets pas mes cassettes. Bon, allez vite. Salut, mon mec. Salut, Raymond, à bientôt. Et mangeons du jambon. Eh ben voilà, il y en a un compte d'humour qui s'amuse, non, hein, et tout ça. Raymond. Oui. Oh, bah, c'est formidable. Oui, il était. Oui. Gédéon. Oui, on t'entend plus. Mais qu'est-ce que tu fumes là, Gédéon? Qu'est-ce que tu veux, hein? Bah, normal. Ah. Je suis venu avec Jean-Jacques. Il est Jean-Claude et il veut dire que bonjour à sa maman. Bonjour maman. ça sent. Oh là là. Gédéon, tu nous amènes des camarades, hein. Mais c'est plus là, Gédéon. Tu remontes pas là. Il est trop pâle. Avant de prendre un autre auditeur, je vous rappelle qu'il reste encore quelques t-shirts si vous désirez, après l'émission, en avoir. Il sera trop tard. Donc c'est pendant cette semaine et la semaine prochaine où vous pouvez encore vous procurer. Il en reste encore quelques-uns, oui. Alors pour vous les procurer, ces t-shirts de la communication, du bonheur, de la drague, de la rencontre, eh bien vous pouvez, c'est des t-shirts Lune de Fiel. Vous les commandez par courrier. Et pour l'hiver, il y en a avec damarisé. Voilà. Très bien. C'est style tiens chaud. Et donne envie. Hein. Et, ah, beaucoup. Alors, vous pouvez les commander par courrier avec un chèque de 70 francs ou un mandat-lettre de 70 francs et vous les envoyez à Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Je vous rappelle, un chèque de 70 francs ou un mandat-lettre. Les mandat-lettres, vous allez les chercher à la poste, à l'ordre de David Girard. Vous envoyez ça à Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Voilà, et vous les recevrez dans les 48 heures. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, allô? Oui? Bonjour. Bonjour. Ah, ça y est. Quel est ton prénom? Aster. Bonjour. Comment? Aster, tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Mon problème, je suis toujours puceau. Ah, t'es toujours puceau. Et ouais. Quel âge? 20 ans. Et est-ce que tu sais ce que c'est qu'un cri de jouissance de mec? Un cri de jouissance? Ouais. Bah, j'ai vu ça dans les films, sur la 5. Ah, voilà. Est-ce que tu imagines? Mais... Est-ce que tu saurais nous le faire? Le faire? Ouais. Ah, je sais pas. Imagine que t'es une meuf à côté de toi et qu'elle est en train de bien te faire le travail et tout, elle te caresse, elle te touche les couilles, la bite. Elle va te sucer et tout ça. Eh bien, imagine qu'elle est là à quatre pattes devant toi. Et toi, de quelle façon tu réagis et de quelle façon tu pousses ton cri de jouissance? Bah, je crois que je laboure d'abord. Hein. Ah, d'abord? Ah ouais. Ah, bah, je vais te dire... Pas de pitié. T'es pas tout seul, il y a du monde autour de toi. Pardon? Il est dans un internat. Toi, là, oui. Il est au... On entend du bruit. Il y a du bruit à côté de toi. Il y a des Africains à côté. Il est à l'internat Saint-Nicolas. Des Africains. T'es au foyer de la Sonacotra? Non. Oui. Des Africains, non? Oui. Bon, alors donc, ton problème, c'est que tu es puceau et t'as envie de tirer un coup. Ouais. Voilà. Donc, le message que tu as passé, c'est que les meufs, tu les tires direct. Oui. Et tu leur bouffes pas la chatte, tu te fais pas éponger, tu fais rien du tout. Non. Bah, non. Tu prends est un gant de toilette, ouais, avec un bon paquet de nouilles. Tu fous ta bite dedans, je te jure, c'est kiff kiff, et encore, c'est encore plus chaud et c'est encore meilleur. J'ai déjà essayé. mais les meufs, il faut les travailler, il faut leur bouffer la chatte, il faut leur faire le travail. Bah, oui. Ouais, mais je t'ai déjà en tête tout à l'heure. Ah ouais, bah alors dis-moi comment tu fais alors. Comment je fais? Ouais. Comment tu fais? Bon, déjà, il faudrait une femme qui soit, comment dirais-je? Comment tu ferais, je dis. Ah, comment je ferais? Non, ouais. Une femme. Qu'est-ce que tu as jamais fait? Naviguer. Vous disiez, chérie, que il vous faudrait une femme. Oui. Une femme comment? Vous la voyez comment, cette femme? Assez jeune. Assez jeune. Dans les 20-25 ans. Oui. Qui soit féminine, quand même. Ton genre de femme? Mon genre de femme? Oui, il n'y a pas une chanteuse ou une comédienne qui prend fou? Elle non, j'en ai pas trop, non. Sabrina, peut-être. Mais... Sabrina, voilà. Ouais. Bon, une bonne bouffiasse, quoi. Bien, une ouais. Samantha Fox, quoi, aussi, non? Pardon? Oui, ça Samantha commence à Fox, me faire chier, ouais, passablement, hein. Ouais. Oui, il vaut mieux mettre ça à la casse, hein, ou parce ça, que... Chérie, je il faut je lis même pas, tu nous sais, genre, expliquer, non, quand même, non, que... Ouais. Mon cher... Allô? Oui, chérie. Attendez, je vais vous passer mon copain. Oui. Il n'agit rien. Ah, bah pour Catherine et moi, c'est bien. Allô, Moustapha? T'as reçu le mandat? T'as pas reçu le mandat? Allô? Non, mais remets encore une pièce. Allô, Moustapha? Bamboula. Ah, bonjour Bamboula. Bamboula, est-ce que tu peux nous chanter une petite chanson? Pardon? Est-ce que tu peux nous chanter une petite chanson? Ah, golo golo dans la case. Oui. Ça c'est le titre de la chanson, mais maintenant la chanson. Bon, on va passer à un autre auditeur parce que ceux-ci sont formidables et on a beaucoup de choses à dire avec eux. Voilà, on passe à un autre auditeur. Voilà, et tu restes ouvert. Et tu le peins en bleu. Et puis voilà. Bon, alors un autre auditeur maintenant. Et en attendant, ma petite Zaza, la dernière émission, j'espère que vous nous... Alors, on arrivera un quart d'heure avant pour décrocher le téléphone. Pour les personnes qui veulent nous appeler avant 22h30 la semaine prochaine, on arrivera et on décrochera le téléphone pour prendre vos appels à partir de 22h15. Parce qu'on va avoir beaucoup d'appels et il faut quand même qu'on trie les meilleurs pour essayer de faire la meilleure émission. Vous me reprenez un autre auditeur en ligne. Ok. J'irai jusque-là pour toi. Tu iras? Pour toi, André, j'irai jusque-là. Donc, je vous laisse le numéro de téléphone de la station 43 57 69 70 43 57 69 70. S'il y a des mecs qui veulent jouir en direct, s'il y a des filles qui veulent passer à l'antenne, tout ça passera en priorité. Maintenant, hein, la semaine prochaine, là, on va essayer de faire un truc bien grave. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas terrible, terrible. J'aimerais bien qu'il y ait de bons appels qui relèvent la situation. Hein. Mais ces Zaza ne tiendra pas jusqu'au bout. Hein. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose à... Mon avis, Mais j'irai jusque-là pour André, tu sais. On a quand même vécu des choses ensemble qui sont très belles, tu comprends. Donc, essayez la semaine prochaine d'appeler avant l'émission, qu'on essaye de sélectionner vos appels. On voudrait des vieilles aussi. Voilà. Mais qu'on ait toutes sortes d'appels, des jeunes, des vieilles, des gens qui nous ont déjà appelés et avec lesquels on s'est... Non, Pascal ne sera pas là. Ah, elle oui. arrive le 28 septembre, Pascal. Et, oui, et des personnes qui nous ont déjà appelés, avec lesquelles on a bien rigolé, des personnes qui, grâce à nous, ont rencontré... L'amour, grâce à nos conseils, on a pu, je sais pas, rencontrer une copine ou un copain ou des filles qui nous avaient parlé d'un fantasme, pourraient nous expliquer de quelle façon elles l'ont vécu et tout. Ça c'est. Ouais. Tu vois, David Hallyday, il a rencontré Estelle par Lune de Fiel. Oui, il oui, l'a dit au mariage vendredi. Voilà. 43, 57, 69. Là jusqu'à 1h moins le quart, donc vous pouvez encore nous appeler, on a besoin de bons appels pour relever la situation parce que là ceci n'était pas terrible, terrible. Tiens, s'il y a des jeunes filles qui veulent nous appeler là, ça nous ferait du bien, allez on prend un auditeur. Allô? Allô? Allô? Bonsoir. Ouais, moi je m'appelle Patrick, alors j'espère que je vais relever un peu le... Ah oui, quand même, hein. On compte sur toi Patrick. Alors moi c'était pour raconter ce qui m'est... Enfin bon, j'ai 20 ans déjà, et c'était pour raconter ce qui m'était arrivé en vacances, là. Parce que je vais beaucoup dans les auberges de jeunesse. Hein. Oui. Et puis en écoutant votre émission et tout, ça m'a un peu dévergondé, hein, ce qui fait que je suis parti un peu chaud, quoi. Oui. Et puis je suis tombé dans une auberge où il y avait plein d'Allemands, quoi. Oui. Et dans les auberges, ce qui est bien, c'est qu'on dort à 6, 6 par chambre en général, 6 ou 8. Mm-hmm. Et déjà, bon, quand je suis arrivé dans les douches, j'ai pris ma douche, bon, je suis arrivé. Déjà, ça a commencé à mater. Ah ouais. Entre mecs, hein. Ouais, parce qu'il y a une partie mec et une partie nana dans les auberges, ils mélangent pas. C'est dommage, d'ailleurs. C'est ennuyeux. Enfin, c'est-à-dire que c'est mélangé après, dehors, enfin... Mais pas dedans, quoi, ouais. Dans les chambres, bon, ils font pas des chambres mixtes. Et puis ça t'arrange. Non, parce que moi j'étais branché nana avant, là j'ai découvert ça. Ah. Ouais, ça m'a branché parce que bon, depuis le temps que j'entends ça à l'émission et tout, je me dis pourquoi pas se faire un délire, quoi. Et voilà. Parce qu'il y en a plein qui ont envie mais qui n'osent pas, ils n'osent pas. C'est vrai. Bah, tu c'est sais, vrai. Moi avant je travaillais SOS suicide, mais je me suis pas suicidé pour autant. Tu penses? Non, mais il y a plein de mecs de 18-19 ans et ils aimeraient bien se brancher leurs copains et tout, mais personne ne le fait. Ce que tu dis n'est pas faux. Mais j'espère bien que mon fils Arnaud fera pas ça. Et pourtant ça mate pas mal, il suffit Arnaud d'aller... Arnaud a 19 ans, il a 5 ans de famille. Il suffit d'aller dans les douches. C'est lui que j'ai dit, l'autre jour, mais j'ai dit, tu faisais rien avec lui, j'espère. Tu fais rien avec mon fils, hein. Non. J'ai pas de homosexuel. Ah, t'aimes pas du tout ça, non. Mais quand même, tu le caressais comme c'était par affection. Copinage. Amical. Écoute, Jaja, ne le dévergonde pas. Mais non, mais ça me fait peur. Je suis une mère, j'ai une femme accablée. Une mère indigne. Je suis très belle, j'ai 46 ans. Avec mes émeraudes, je suis très belle. Je m'appelle Geneviève. Très très belle. Et je suis très belle, bon. Et je vais aller au BHV acheter les meubles. Ça, j'ai commandé la voiture demain. Bon, ouais, donc alors, le champagne. Vas-y, Patrick. Ouais. Alors donc dans les douches, ouais, ça matait déjà, mais dans beaucoup de trucs, ça mate, hein, même au niveau des quand on fait du sport et tout ça. Ah. Tout le monde mate, mais c'est tout, il se passe rien en fait, ça se passe toujours comme ça. On aimerait le. Ça dépend. Hein. Ouais, mais en général, non. Ils ont leur fierté, ils disent ouais, non. Bon. Moi, je suis sûr c'est que Maradona et Madonna, c'est la même personne. Hein. Et puis après, fini, j'ai des 1, ça. Tu les vois jamais ensemble sur une photo. C'est vrai. T'as remarqué? T'as remarqué? Alors, je suis. Tu vois, c'est quand même un grand footballeur, Maradona, non? Ouais. Et ben, je crois que tu es une folle travelotte. Hein, oui. Qui chante avec des. Décapés à 100 volumes. Des oreilles, enfin. Qui enlève sa culotte aux braves gens. C'est... Tu vois bien qu'en ce moment, on n'arrête pas de parler de Maradona. Et on voit nulle part la Madonna. Madonna. Et Sean Penn, c'est le troisième. Voilà. Enfin, c'est le deuxième, quoi. Ouais. Donc, alors je finis mon truc. Oui. Alors après, bon, bah, dans la chambre, je me suis retrouvé avec des Allemands. Il y avait 5 Allemands dans la pure. Ouais. Enfin, c'était un groupe, en fait. Ils étaient tous sacs à dos et tout. Ils avaient 18-19 ans, quoi. Et puis, bon, la nuit, ça a commencé, je chantais des trucs bizarres. Je me dis, tiens, il y avait des bruits, des trucs un peu louches, quoi. C'est-à-dire puis, comme déjà, je m'étais fait mater dans les douches et tout, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, quand même, de se faire mater comme ça. Bah ouais, bien sûr. Et puis, là, j'ai senti qu'à côté, c'était des lits superposés en plus, j'ai senti qu'ils étaient deux dans un lit, quoi, carrément. Non, je ne dis pas ça. Et t'as fait le troisième. Deux ans. Non, mais ils étaient cinq en tout, moi j'étais le sixième, quoi. Est-ce que ta bite a commencé à gonfler? Ouais, c'est-à-dire je me disais qu'est-ce qui va se passer et tout, parce que je sentais que c'était quand même là. Et ton cœur battait là. Oh là là là là là. Ouais, non, pas vraiment. Ah, je flippais un peu parce que je me suis dit quand même. Peut-être ça fait mal et tout. Ça m'était pas arrivé, quoi, déjà. Mais pourquoi à chaque fois qu'un mec pense qu'il va se faire un autre mec, il pense qu'il va pourquoi à chaque fois un hétéro qui a envie de se faire un mec pense qu'il va se faire enculer? Je sais pas, moi ça m'a fait flipper. Non, mais... Surtout qu'ils étaient plus nombreux, enfin ils étaient. Moi j'ai flippé quand même mal. Il faut pas croire, parce que moi je veux commencer par me faire enculer, que tous les mecs qui veulent commencer à se faire un mec doivent obligatoirement se faire enculer. C'est pas impératif. Hein. Ouais, mais ils pensent tous ça, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ils ont l'image du PD, ils disent ouais, tout de suite, ouais, il va me niquer, il va me prendre et tout. Ça les fait flipper, quoi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, toi? Alors moi, bon, moi, j'ai senti un mec qui s'est rapproché de moi et tout. Bon, moi, je commençais déjà à bander un petit peu quand même. Et puis, il a commencé à me balucher, à me frotter et tout. Moi, j'étais juste en slibard sur le lit parce que tellement il faisait chaud. Ouais. Et bon, il a vu que je commençais à bander et tout. Et puis, après, il s'est foutu sur le pieu avec moi. Puis, on a commencé à se frotter et tout. Puis, moi, je bandais quand même mal. Lui aussi. Hein. Et puis, après, bon, il a commencé à me branler un petit peu, quoi. Et t'as envoyé la purée tout de suite. Puis, hein. Non, non, parce que je suis quand même assez long. Et puis, là, il a commencé à me piper. Assez long. Ouais, à gicler quand même. Ouais. Ah. Et là, il a commencé à me piper. Ah. Et quel bonheur. Ouais, ouais. Alors, est-ce que les mecs sucent mieux que les filles? Ah ouais, ouais, totalement. Ah, ça, voilà une information. C'est... Ah, vraiment? C'est vraiment à essayer. Parce que ouais, nous, ouais. Tu me conseilles. Ah ouais, parce que... Non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non, mais vraiment, j'étais vachement étonné, quoi. Et ils savent s'y prendre beaucoup mieux qu'une nana. Une nana, en fait... Et ils prennent bien tout entière dans le dans la bouche. Ah, Nathalie, droit de réponse à Nathalie. Presque toutes. Ah, c'est mais super. Valérie. Catherine. Mais elle suce pas. Elle peut pas rentrer, elle a des... Bah, elle a... Voilà, elle a le palais qui est atrophié. Non, mais il y a des nanas, elles lèchent, mais on sent que c'est pas vraiment pour plaisir, quoi. Elles se forcent un peu, certaines. Tu te forces, pas toi tout, non. Moi, je vais te dire, là, ça fait 3 semaines qu'elle a pas baisé. Ah ouais, crois-moi ouais, que t'as pas intérêt à lui montrer un perchoir à dinde, parce que je te montre... je te promets qu'elle fait... Qu'a fait la basse-cour. Il y a Gédéon ce soir. C'est pas une bouche qu'elle a, c'est un anglou du soir. Tu vas passer à la casserole, mon petit Gédéon. Mais je sais que pour moi, ça a été vraiment une découverte, quoi. Parce qu'avant, j'étais vraiment... Et t'as envie de recommencer? Ah ouais, vraiment, là. C'est vrai que depuis... Tu es sur région, sur Paris-Centre? Comment? Tu es sur Paris-Centre? Ouais, dans Paris, ouais. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais rencontrer ce soir? C'est d'autres mecs? Ouais, des mecs comme ça qui ont... Enfin, qui aimeraient essayer, mais qui veulent pas le faire, quoi. Ah. Plutôt et, ça. Et tu es joli garçon? Ah ouais, ouais, ouais, parce que vraiment... Comment tu le sais? Bah, je veux dire, la preuve, quand j'étais dans les douches, je veux te dire, je me suis fait mater comme un fou. Déjà, quand j'ai commencé à me dessaper... Oh, non, taratata, non, hein, taratata. Ah bah ouais, bah attends, bah, tu verras. Alors, comment tu es physiquement? On peut se voir si tu veux, tu verras. Bah oui. Il n'y a pas de problème. Je ne mange pas de ce pain-là, moi, monsieur. Ah bon? Hein, j'ai arrêté en même temps que Zaza en 76, et personne ne me fera reprendre une activité sexuelle. Oui, je suis d'accord, pas de pénétration, je suis d'accord. Comment mais là, dans la gueule. Dans ta gueule. Ça y est, la chaise s'est mise en marche. Attends, dis-moi, donc tu es comment physiquement? Alors je fais 1m78, 68 kilos. Combien? 1m78. Ouais, et en poids? 68. Ah, 68, j'ai compris, 108. Non, et très musclé, ouais. Hein, cheveux courts. Poilu, imberbe. Légèrement poilu. La Zaza est en train de me montrer une grosse bite. Oh, putain, elle est énorme. La gueule. Voilà. Ça a été spontané. Jamais un hétéro fait ça. Ouais, il a mis en bouche tout jamais. De suite. Bon, c'est pour bonjour, monsieur. T'as vu, c'est énorme. Bon, attends. Non, il y a Zaza qui est en train de... Alors, le César est attribué cette année à... Catherine. Alors, est-ce que ça rentre dans ta chatte, une bite comme ça? Attends, parce que je parle avec elle. Ouais. Ça rentre, ça? J'ai jamais essayé. Oh, t'es jamais tombé sur une bite comme ça? Non, jamais. Ça rentre pas? Je sais pas, j'essaierai. Bon, attends, on va quand même s'occuper de notre auditeur qui est fort sympathique. Ouais. Alors, donc, et la quéquette? Ah bah, la quéquette a fait 19. Et... Ouais, 19, t'as pris à partir de ton trou du cul. Non, elle a fait 19. Ouais. Et puis, elle est assez large, quoi. Elle est assez large. Et puis après, bon, attends, mon histoire n'est pas finie. Mm-hmm. Et puis après, bon, on était tellement excités que, en fait, il s'est foutu à l'envers pour qu'on fasse un 69. Et alors là, en fait, au départ, j'hésitais. Mais et puis après bon bah comme il me pipait tellement bien j'ai voulu faire pareil quoi. Et alors 69 avec un mec c'est vachement délirant quoi. Ouais. Ah bah dis donc. C'est une expérience à essayer. Bah moi qui veux commencer par quelqu'un qui puisse me conseiller. Ouais. Et puis m'aider à franchir le pas parce que c'est quand même. Bah ouais, pas de problème. Ça m'a pris d'un coup, ça m'a pu lâcher. Non mais c'est vrai que c'est pas mal quoi. J'ai accroché un sourire à ma face. J'ai maquillé mon cœur et mon corps. Et je suis redevenu la petite fille. Mon trou du cul s'est ouvert. Comme et quatre plis sont tombés. Je les ai ramassés, ouais. Mis dans mon Kleenex et j'ai pleuré. Je les ai mis sous mon oreiller en attendant que la chauve-souris passe. Et c'est là que Batman arriva. Et elle m'a apporté un gros god pour faire tomber, jour après jour, tous les petits plis qui ornaient mon derrière de sublimité. Bon, alors on va passer ton message pour que tu puisses rencontrer des camarades. Ouais, surtout de mon âge, quoi, 18, 20, quoi. Voilà, des petites créatures de rêve. Ouais, des mecs, ouais. C'est hard. D'accord, ok. Tu fais des choses? Ben alors, ne t'inquiète pas, hein. Ouais. Alors, ils t'appelleront dans un quart d'heure, 20 minutes. Ça, Patrick. Toi, tu les appelleras. C'est-à-dire que c'est vous qui me rappelez. On te rappelle dans un quart d'heure, 20 minutes, et on te communique leur numéro de téléphone. Ah, je rappelle. Ok, mon ange. Ok, merci. Et surtout, si tu pètes, tu restes ouvert. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Ok. 40, alors, 43, 57, 69, 70. 43, 57, 69, 70. C'est le numéro de téléphone du bonheur que vous pouvez composer si vous désirez passer à l'antenne. Nous sommes là encore jusqu'à 1h moins le quart, ma petite Zazin. Parce que... Et il y a beaucoup de personnes qui voulaient qu'on le rechante. C'est comme ils enregistrent, ils voulaient avoir la chanson. À 14 ans, je n'étais plus pucelle. Ah oui, on m'a demandé. Beaucoup, beaucoup. Et il y en a qui l'ont recopié, qui l'ont appris par cœur. Ah, très bien. Alors, c'est... À 14 ans, je n'étais plus pucelle. J'avais goûté aux engins masculins. Plus je baisais, plus je devenais belle. Et c'est ainsi que je devins putain. Voilà, ça c'est la courte. Et puis il y a maintenant la longue. Voilà. La longue... Tiens, petit, voilà 100 sous. Suce-moi le bout, rends-moi les sous. 100 sous, c'est bien trop peu pour sucer un si gros lot. Passe-moi la langue dans le cul et dis-moi que tu m'aimes. Passe-moi la langue dans le cul et n'en parlons plus. Au nom d'un chien, j'enculerai bien. Prends ta bite à deux mains, mon cousin. Nous partons en guerre à cheval sur une putain comme de sarrasin. Voilà, c'est un remix. C'était un remix qui fera partie de mon album qui sortira en 14 langues. Alors ton album sort là L'album sort en 14 langues dans 64 pays. C'est formidable. Non, ne rendez pas la monnaie quand vous vendez de la drogue, chérie. Gardez ça quand vous serez en prison. Pour cantiner des crèmes blancs, du chorizo. Un doggy bag. Voilà. Gardez ça pour quand vous serez en prison. Ne rendez jamais la monnaie au grand jamais. Ni David. Oui. Il n'y a pas de mec, on fait des crédits de jouissance. Ah oui. Ben, je crois qu'on a un auditeur en ligne qui va nous faire un crédit de jouissance. Allô. Salut. Oh là là, il y a de la friture là. Ah bon? Non. Non. Oui, enfin. On t'a déjà eu, toi, en ligne, non? Fermez vos gueules, bande d'enculés. Ta voix me dit quelque chose. T'as déjà téléphoné, non? Allô? Oui. Oui. Allô? Allô? Oh là là, il y a de la merde dans le tuyau? Tu nous entends? Allô? Bah oui. Mais... Est-ce qu'elle nous entend? Oui. Ah, ben voilà. Quel est ton prénom? David. David. Et tu as quel âge, David? 22 ans. 22 ans. Et tu es très beau? Beau, bon, ça dépend. S'il paraît que les David sont très très beaux. Ben, je suis pas trop moche. Pas trop. Non. Et c'est ton vrai prénom, David? Oui. Ah, donc tu dois être très beau, alors. Alors, tu nous appelais pourquoi, David? Eh ben, parce que j'ai trombiné ma tante il y a 2 semaines. Oui. Voilà. Oh, la malheureuse. La mère de votre... Votre maman. Tu as trombiné Rachel? Ouais, je l'ai baisé, ouais. Non. Elle a quel âge? 32 ans. Oh, ben ça va. Et ça s'est passé comment? Ben, ça s'est passé un dimanche. Ouais. Au oui. bord de l'eau. La télé, quoi. Ouais. Elle a pu prendre le programme qui se trouvait à côté. Bon, sans faire exprès, elle a commencé à me toucher les cuisses. Enfin, j'étais vraiment en état d'érection, là. Alors, mais quand même... Elle a commencé à mon fut, quoi. Ouais. Elle a commencé à me lécher un peu le gland. Oui. Et elle s'est mise à me masturber. Directement. Directement. Sans préliminaire. Quelle famille, dis donc. Mais c'est le Père Noël qui est arrivé là. Pardon? C'est le Père Noël. Ouais, si on peut, ouais. Et si ta mère était au courant? Essaie de... Que tu as baisé sa sœur? Bah, je sais pas sa réaction, franchement. Hein, tu serais déshérité à tout jamais? Non, elle est assez pauvre. Vous êtes assez... Ah bah, il y a rien à perdre. Voilà, tu m'aimes, nous aimons. Mangeons du jambon. Vous êtes assez pauvre, vous êtes dans les classes sociales défavorisées? Ouais, un peu. Oui, voilà, un peu défavorisées. Et donc, dans les classes sociales défavorisées, on s'encule entre frères, sœurs, parents, enfants. Il y a le RMI en marque. C'est plus rapide. Oui. Enfin, minimum. Et donc, alors ce soir, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais nous raconter donc les petits détails et rencontrer une camarade? Ça plus tard, ouais, mais je voulais d'abord raconter mon histoire. Voilà, alors, donc, mais comment ça s'est passé après? C'était un double événement, en fait. Mais depuis... Ah oui. Et bon, depuis déjà, bon, c'était ma tante. Et puis elle t'a dépucelé. Voilà, en même temps. Voilà, j'avais tout compris. Mais c'était vraiment super, hein. Et elle était jolie? Très jolie. Et est-ce que tu as senti, avant qu'elle commence, qu'il y allait avoir quelque chose qui... Je sais pas, qui allait se passer. Je sentais un peu ça dans... Je sais pas, en regardant la télé. Je sais pas, elle était un peu bizarre. Ah. Tu sentais elle, que... elle avait bu peut-être. Non, tu sentais une odeur. Est-ce que tu sentais une odeur qui se dégageait de son chat? Un peu la moule. Non, parce que quand il y a vraiment envie comme ça, le chat bat la chamade. Ah ouais? Et je coule! Oh le chat bat la chamade et coule et dégage une odeur humaine. Ouais. C'est pas une mauvaise odeur. Oui. Comme... la notez que j'aurais... Notez bien, David et Zaza, que je ne sens pas de la chatte lorsqu'il fait très chaud et que j'ai reçu la veille. Non. Non. Non. Mon chauffeur taxi me donne bien. Et donc, oui. Elle t'a dépucelé et puis voilà. Et alors maintenant, est-ce que vous êtes retrouvé? Est-ce que vous avez refait d'autres ou vous regardez même plus? Non, j'ai un peu peur d'y aller. T'as peur, hein? Ouais. Et tu étais chez elle? Oui, chez elle, à Créteil. Ah, à Créteil. Allez hop, à Créteil, Pierre. Bon, bah c'est tout, tu veux pas rencontrer une meuf? Ouais, je voudrais bien, mais à cette heure-ci, je sais pas s'il y aura beaucoup d'appels. On a beaucoup d'auditeurs. Merci beaucoup d'auditeurs. On verra bien. Pas d'auditrices. Dans toute l'Europe, on nous écoute. Hein. On verra bien. Ou alors, je recherche des femmes. Oui. De 20 ans à 30 ans. Oui. Dans la soirée, c'est possible? Oh, bah, elles vont venir dans 10 minutes, là. Ah oui. Oui. C'est comme les pizzas. Alors, je me trouve place Voltaire. Oui. Dans une cabine. Oui. Vous connaissez? Non. À Voltaire. Oui, mais quoi? Et bon, le rendez-vous? Oui. Non, le King Burger. Le King Burger. Ah oui, il est très très bien, Voltaire. Formidable. Il est sublime. J'étais à midi, chérie. C'était divin. Mais disons. Ah bon, Oui, non, c'était très bien. T'as beaucoup sucé dans les chiottes. T'as fait des mille chèques avec ton bec. Mais dis donc, ta mère a la sœur? Non. C'est dommage. C'est qui? Hein? Bon, mon petit chat. S'il y a des meufs qui veulent t'appeler, on va te laisser. Ouais. S'il y a des meufs qui veulent t'appeler, eh bien, elles composent de 43 57 69 70. 43 57 69 70. C'est le numéro de téléphone du bonheur. J'ai une envie de pisser. Ouais. C'est le numéro de téléphone du bonheur à composer si vous désirez encore passer à l'antenne. On pourra passer quelques appels de plus, hein, comme on est là mais qui est des un quart d'heure. Mecs qui veulent nous faire des cris de jouissance, on n'en a pas eu un. Des mecs. Oui, les mecs, vous êtes bien des enculés, parce que vous nous dites oui. Demander aux meufs qu'elles appellent et tout, peut-être que ça va pas arrêter de se bousculer au standard et ils prennent que ce qui vient comme ça. Donc c'est des fois au standard elles sont un peu connes et prennent que des appels merdiques et tous les bons elles savent pas. Oui, mais les mecs c'est des dégonflés aussi. Dites bien au standard que c'est pour un cri de jouissance, comme ça vous passerez en priorité. 43 57 69 70 43 57 69 70. Rassurez-vous, on sera toujours près de vous. On part la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que tu vas faire après, Zaza? Je repars à Bogota. Tu repars là pour combien de temps? 36 chansons. 36 chansons. Oui. Il y avait eu combien de personnes? Franchement, dans un taxi, il me dit où est-ce que vous allez? Qu'il y a de la musique classique, je suis jusqu'au bout du concerto, on me dit. Voilà. Bah oui. 36 chansons. Oui, c'est épuisant, c'est un tour colossal. Alors j'ai des musiciens en béton, tu sais, c'est de la lipho. Oui, et vous apportez surtout un tube d'aspirine. Tu vois Thierry, moi je suis venu dans ton émission, je fais pas de promo. Non. Mais pour toi je viens, parce que t'es un mec extra, t'as une émission branchée, bon, viens tout dégueu, enfin toi avec mes potes, nous ça nous éclate. Est-ce que tu as déjà pris de la cocaïne dans ton... Cocaïne, tous les dérivés de la cocaïne, et je fais un procès en intention aux journalistes qui font de la désinformation en disant que j'ai arrêté de boire et de me droguer. Hein, ok les mecs, et mon gars là c'est d'enfer, ouais. Ok. Il parle pas. Mais il y a des filles qui nous appellent quand même. Ah, Gédéon demande qu'il y ait absolument des filles qui nous appellent. Alors je sais pas si on va pouvoir en passer encore des filles à l'antenne. Hein? Parce qu'il y a peut-être beaucoup de... Qui me vire les appels qui attendent, là, qui sont en souffrance, et puis... Ah oui, c'est vrai. Non, sauf s'il y a des mecs qui veulent... Ils peuvent pas mettre un disque. Ouais. Je voudrais qu'ils me mettent un disque, moi je vais aller pisser. Et on reprend pour le quart d'heure final. Alors, on termine là avec vos appels. Vous pouvez encore nous appeler 43 57 69 70 et on passera en priorité les gens qui veulent nous faire des jouissances en direct et surtout les filles qui est de deux filles là qui nous appellent, ce serait génial pour terminer l'émission. 43 57 69 70 43 57 69 70. On attend vos appels tout de suite. Hein. Ah, qui a envie de pisser. Zazak a son plâtre qui lui fait mal. Entre l'eau qui roule, ses tartes, entre le matériel qui fonctionne pas, les... quel bordel, les godes qui se posent sur la table, une s'assoit dessus, fout plein de merde dessus. Quelle horreur. La piscine de poppers. Bon, ça fait encore combien d'appels là? On va... Parce qu'il faut aller, il faut qu'on aille au boy après. Oui. On a une soirée Batman. Absolument. À aller faire. Hein. Voilà, nous avons un auditeur ou une auditrice en ligne, je ne sais pas. Allô? Allô, allô. Un auditeur. Oui. Allô, allô. Bonjour. Bonjour. Ton prénom ? Julien. Julien. Bonjour, Julien. Tu as quel âge ? J'ai 18 ans. J'aurai 19 ans en décembre. Là. Ouais. Décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as à nous raconter ? Vous avez réclamé des jouisseurs. Alors, moi, j'ai envie de jouir en direct. Quoi. Ah. Alors, bravo. Ah. Ah. Oui, applaudissons pas avant quand même. Après, voilà. Enfin, qu'ils ne se dégonflent pas. Au moins. Parce que tu sais, les mecs, ils nous écrivent. Ils nous disent, ouais, demandez aux meufs qu'elles jouissent, demandez aux meufs qu'elles jouissent. Et puis, les mecs, c'est vraiment des grandes gueules parce qu'au moment où ils doivent faire quelque chose, eh bien, ouais. Mes couilles se tendent, se brouillent. Au pied du mur, ils sont même plus capables de faire quoi que ce soit. Ouais, c'est bien, ouais. Alors, hé, tu fais comme si tu étais avec une meuf ou un cum, je sais pas. Ouais, voilà, justement, c'était mon problème. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous préférez ? En train de me faire défoncer par mon mec ou en train de défoncer ma bonne femme? Ah, c'est pas les mêmes. Bah, on va voter, on va faire un vote. Les là, deux au Parlement. D'abord le mec. Les deux. Bon. Ils se font enculer par le mec. Ah, ils se font enculer. C'est quand même joli ça. Oui, ça oui. C'est pas mal. Quand tu te fais enculer. Les deux. Hey, non mais regarde. Et au fond, attends, moi je vais te... Il y a une autre solution. Tu peux te faire enculer et baiser la bonne femme en même temps. Mais après. Ouais, mais. Tu me fais une minute d'enculage. Une minute d'enculage. Et une minute avec la meuf. Ok. On te laisse, partie on top met. Ok. François. Je perds tous mes plis. Parle-lui. C'est bon, hein. Oui. C'est bon. Oui. Ça y est, il a joué. Il a joué. Voilà, là. C'est... Oh putain, c'était bon, non. Là, c'était avec mon mec. Là. Et là, alors... tu t'es branlé pendant qu'il t'enculait. Quoi? Ah ouais, ouais. Il t'a branlé, il t'a touché la bite un peu. Complètement. Non, mais si tu veux, non. Il me prend par derrière, il me branle à deux mains en les passant autour de ma taille. Ah, spécialiste. Oh là là, devant. Ah, spécialiste. Ah, c'est bon. Et là, maintenant, le tri. Et tu vas ken la pétasse qui est à côté de toi, maintenant. Voilà. Alors, attends, là, faut que je change de position, quoi, parce que... Vas-y. Je suis en condition réelle d'utilisation. Ah, voilà. Julien tendresse. C'est tout, là. On a bien senti les petits qui arrivaient. Il fallait un petit peu une... Alors, Julien, putain, c'était bon. Hein. Julien... Moi, je me suis vu dans tous les rôles. Ouais. Ah oui, ça, j'ai fait le casting. Parfait. Ouais. C'était bien. Tu te fais des mecs ou des filles, alors? Quoi? Ah bah écoute, les deux. Les deux, c'est plus bien. Plus de femmes, quoi. Plus de femmes, quand même. Ouais. C'est les mecs ou les filles qui sucent le mieux? Quoi? Ah, moi, je pense que c'est les mecs, tu vois. Le premier mec par lequel je me suis fait sucer, c'est un ami d'enfance, quoi, donc... Bien sûr, mais c'était assez rigolo, quoi. Puis donc, j'ai gardé un bon souvenir de cette première jouissance par gaufrage. Jouissance par gaufrage. Sentimentalement, moi, c'est plutôt les mecs pour les pipes, quoi. Ah, voilà. Ah, ouais. Eh oui. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent particulièrement? Par exemple, chez une meuf, qu'est-ce que tu aimes? Chez une femme, j'aime qu'elle soit complètement rasée. Ah, est-ce que tu aimes le glougloutage du sifolo? Bien la tête et tout. Plutôt bien titiller comme ça, bien prendre comme si c'était au fond une petite bite. Ouais. et le bout des seins pareil, comme une petite bite, une saucisse de Francfort cocktail. Est-ce que tu as eu beaucoup de rapports jusqu'à présent? Ben écoute, j'ai eu 4 femmes et demie. Je dis ennemi parce la que l'autre... Présente-moi la moitié, présentez-moi donc votre moitié. Ça s'est limité, à un petit lichage de Milch de ma part, donc je dis 4,5 quoi. Oh bah c'est comme si tu laissais une entière, hein. Voilà, ah oui, d'accord. C'est comme quoi moi j'avais des demi-souleries et des quarts de souleries. Mmh. J'appelais la ville, j'ai eu « Oh non !» La ville me dit « Oh, t'as vu bien saoul ?» J'ai dit « Non, c'était un quart de souleries. » C'était ouais. Bien fait quand même, à partir du moment où t'es saoul, hein, y a plus de nuance hein, quand t'es saoul. Hein. Mmh. Dévasté. Ouais, te rappelles comment t'étais saoul des fois, tu sais même plus où t'habitais. Il tombait par terre. Il fallait qu'on donne un papier au chauffeur taxi, ramener cette dame, on l'a trouvée dans la rue, moi je disais pas que je la connaissais. Hein. Ramener cette dame. Et le jour où ils ont dit c'est une poubelle, ils m'ont mis deux poignées pour me sortir. Hein. Deux poignées, oh. Il a fallu ça, il t'a récupéré à la décharge à la gare chez Gonesse. Oh là là, c'était pas frais ce jour-là. Ça, je te le jure, hein, vraiment, c'était gênant quand même. C'était heureusement que j'étais là encore. Bah, dis donc, parce que la famille et tout, merci. Hein. Mais Zaza ne voit plus maintenant. Et là, tu aimerais. Ah, tu as fait un joli rôle, mon petit chat. Ouais. Tu peux nous en refaire un autre? Attends, non, faut que j'en aille là. Moi, j'aime bien Julien. Non, oui. Catherine, ce que tu en penses. Non, ça doit être un bon coup. Ouais, à mon avis. Voilà. Pas mal le rôle. Ouais. Il y a Catherine qui veut te faire, ça y est. Elle veut te faire. Oh là là là là. Parce que tu vas assurer. Vu le cri, c'est pas mal. Ah ouais, bon, et le plan avec le miroir, tu te le prends, tu te ramasses bien le rouleau et puis tu vois une bête derrière qui est en train de l'enculer.